我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。请欣赏19世纪法国作曲家亚当的喜歌剧《龙瑞·莫德伊车夫》。亚当是法国著名的作曲家、音乐评论家，曾任巴黎音乐学院教授。亚当生平创作数量颇丰，多种题材都有涉猎。仅一部芭蕾舞剧《吉塞尔》便使他流芳百世，其中《龙瑞·莫德伊车夫》是他歌剧创作中最著名的一部。下面请欣赏全剧录音，由弗利通指挥蒙特卡罗歌剧院演出。 Thank you.

rien trop facile. À Paris de vivre en seigneur. En seigneur. En seigneur, bref, pour parler avec franchise, elle m'a dit qu'en t'épousant je fais. Quoi donc? Oh non, je n'ose pas. Allons. Je fais une bêtise. Apaise ton ressentiment, ce n'est pas sa faute vraiment. Si dans le livre du destin, elle a lu cela, cela ce matin. Quelle impudence, quelle impertinence, si pour sa souffrance, je veux d'avance avec ma souffrance, en bas la colère, ici l'exaspère, ma pauvre sorcière, pourquoi l'enculée? C'est à moi de t'interroger, je veux savoir tout le mystère, c'est à moi de t'interroger, que ta répondu, que ta répondu, le berger. Thank you.

Sur mon âme, laissez-moi rejoindre ma femme. Allons, au pont de ma silence, sans antiforce, mon garçon. Allons, chante-nous la romance du jeune et galant postillon. Je n'ai pas le cœur au chant. Chante. Je n'ai pas le cœur au chant. Chante, chante, après. Je commence. Mes amis, une histoire d'un jeune et galant postillon. C'est véridique, on peut m'en croire, et connu de tout le canton. Quand il passait dans un village, tout le beau sexe était ravi, et le cœur de la plus sauvage galopait en groupe avec lui. Oh, se mettait en voyage pour être conduite par lui. On procédait toujours fidèle, on savait qu'à droit postille, s'il versait parfois une belle, ce n'était que sur le gazon.

parler, sachez mes mystères. Où est ton frère, mon chanteur? Il va devenir grand seigneur. Thank you.

me guidait près d'elle, sans souffre de fidèle. Chez moi, fait sentinelle, repartons un instant. Aux ordres que je donne, nul ne doit résister. Je le veux, je l'ordonne, vous allez répéter. Ne craignez rien, tout ira bien, fidèle au plan que j'ai formé. Que chacun soit fort enrhumé. Fidèle au plan qu'il a formé, que chacun soit fort enrhumé. Que chacun soit fort enrhumé, fort enrhumé. Ne craignez rien, tout ira bien. Ne craignez rien, tout ira bien. Ne craignez rien, tout ira bien. Vous le voulez, mais c'est par complaisance. Je n'en peux plus, et pourtant je commence. J'éprouve une douleur horrible. J'ai le gosier en feu. Essayez encore un peu. Je ne le puis sur mon honneur. C'est vraiment avoir du malheur. N'en parlons plus, passons au cœur. En vérité, c'est impossible. Aucun de nous ne peut chanter. Renoncez-y, l'on n'est plus répété. Ah, quel malheur pour mon amour. Que dira Madame Latour? Que parlez-vous de Madame Latour? De ce logis, la maîtresse. Qu'ai-je entendu? L'objet de ma tendresse demeure dans ce château. Je ne puis revenir et pour la retrouver, moi qui voulais partir. Réparons notre maladresse et faisons tout pour rester en ces lieux. Et faisons tout pour rester en ces lieux. Arrêtez, je ne sais. Trouve mieux. Se pourrait-il la voix m'est revenue, elle a même repris toute son étendue. Moi qui voulais partir, je vous dirai pourquoi, pour en juger. Écoutez-moi. Thank you. Bravo, très bien. En vérité, c'est admirable. En vérité, c'est admirable. Puisqu'on se montre enfin prêt. Venez, venez, venez vous mettre à table. À table, à table, à table. À vos ordres toujours soumis, je vous suis, monsieur le marquis. À table, le vin dans nos chanteurs et jamais de la vigueur. Thank you.

ira bien, qui rira le dernier. Mon cher, que je vous félicite. À ma noce, je vous invite, soyez ici comme chez vous, et répétez, répétez avec nous. Je vais prochainise mon règne nouveau, à vous mon office, à vous mon chapeau. À vous mes chaumières, à vous mon cellier, à vous mes fermières, à vous mon gibier. Je veux qu'on chérisse mon règne nouveau, à vous mon office, à vous mon château.

nous voilà seuls. Ma femme, ma chère femme. Mon mari, mon cher mari. Madame, tout est prêt pour le déshabiller de la mariée. Ah, ne me faites pas trop longtemps attendre. Tu m'as bien fait attendre 10 ans, scélérat. Soyez

le serra. Nous avons déjoué leur crâne. Tenez bien, ne les lâchez pas. Moi, je suis mal à l'aise de sa poignée. Ah, c'est excellent, et la seconde. Acceptez-vous nos corps, si on mal à l'aise. Pauvre victime, ah, je viens dans l'instant calmer sa douleur et sa peine. Oh, maintenant, je ne crains plus rien. Nous les tenons, et nous les tenons bien. Je n'ai trouvé personne, seulement ce billet. Saffar, quand vous lirez cette lettre, toutes les recherches seront inutiles. Madame de la Tour n'existera plus. Mourir pour moi si elle t'en est la même. Pourquoi n'as-tu pas fait ton mère? À la vengée, mettons tout notre zèle. Entraînez ce mauvais sujet. Oh! 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。